Bonjour à tous et bienvenue dans Freaks et Merveilles, un podcast sur le drag bruxellois. Bienvenue dans la deuxième partie de ce premier épisode bonus de la première saison de Freaks et Merveilles, l'enregistrement d'une table ronde sur le drag qui a eu lieu lors de la fête de fin de saison de Freaks et Merveilles le 9 mai. Si vous n'avez pas encore écouté la partie 1, je vous invite à le faire parce qu'évidemment les deux sont fort liés. Dans cette deuxième partie, on s'ouvre aux questions du public. Si ça vous dit de venir dans le public de Freaks et Merveilles, on enregistre ce vendredi 17 mai à The Agenda un épisode en anglais avec plusieurs membres de Propaganda et le 9 juin un épisode avec plusieurs collectifs drag lors de la Pride d'Anderlecht. Toutes les informations sont à retrouver sur l'Instagram de l'émission. N'hésitez pas à passer. En attendant, je vous souhaite déjà une belle écoute et à bientôt. Eh bien, puisque c'est une table ronde et que nous avons déjà parlé 45 minutes entre nous, je propose d'ouvrir la discussion à vous, cher public. Est-ce que vous avez des questions, des réflexions, des choses à demander à notre beau panel ici, par rapport à ce qui s'est dit autre chose, par rapport à ce qui s'est dit ici, ou par rapport à autre chose en lien avec, avec le drag et les communautés queer? Alors voilà, c'est le moment où je vais un petit peu meublé pendant que le twist se fait dans les esprits de « Ah, maintenant, on doit être actif et active. » Ah, il y a déjà une première question. Alors, je vais voir. Je ne sais pas à quel point ce... Donc, vous avez parlé tous de la politisation du drag. Et vous n'avez pas fait de différence entre le drag politique et le drag politisé. Pour moi, vous avez parlé du drag politisé dans le sens où... peu importe la forme de drague, elle est politisée en effet de l'extérieur. Mais toutes les personnes qui font du drague n'ont pas envie d'avoir un discours politique, n'ont pas envie de porter des valeurs politiques. Donc quel est votre avis sur ça? Est-ce que le drague est forcément politique ou est-ce qu'il est forcément politisé? Ah, wow. Donc si je comprends bien, c'est politique dans le sens d'avoir une volonté politique de livrer des messages ou de s'ancrer là-dedans. Qui a envie de répondre à cette question? Ah, Terata, c'est ton enfant qui a posé la question, alors c'est toi qui réponds. Oui. Bonjour, Bleu. Mon avis sur ta question, moi qui accueille beaucoup de nouvelles têtes, c'est important que ces personnes-là comprennent nos engagements, nos valeurs et nos revendications. Donc, je ne vais pas forcément leur demander de faire quelque chose de très politisé, mais en tout cas, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à savoir et il y a des choses à ne pas faire, comme tout ce qui est appropriation culturelle, insultes ou autre. Et je pense que moi, par exemple, voilà, le chemin crâle, c'est mon bébé, donc j'ai des valeurs précises et il y a des choses que je ne veux pas forcément. Donc il y a quand même une structure sur ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, en tout cas avec moi, sans faire de censure et rester ouvert au débat. Et je pense qu'on ne peut pas demander à des personnes qui viennent à peine d'entrer dans la communauté queer de comprendre toutes nos valeurs, mais on peut donner quelques idées et pousser à la réflexion. Et j'ai eu beaucoup le cas de personnes qui s'identifiaient comme personnes gay cis, qui étaient en mode « Ah non, moi je ne ferai jamais de drague politique parce que ce n'est pas mon univers, parce que ce n'est pas mon truc. » Et à force de traîner avec des personnes, des dragues king, des dragues queer, des personnes qui se revendiquent comme dragues très politisées, il y a toute une réflexion et il y a une évolution sur eux, comment Yael se voient et comment Yael perçoit leur art. Donc je trouve ça toujours très intéressant de voir l'évolution d'une personne au commencement et, pas à la fin, mais au milieu de sa carrière ou au début. Et donc voilà, je pense que toujours rester bienveillant. Non, mais très bien. Mais donc du coup, mettre en place un cadre assez important du côté des organisateurs de shows, ça me paraît être une très très bonne piste. Parce que aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le rôle du MC ou de la MC, c'est aussi par rapport au public, souvent en début de show, de rappeler on ne touche pas les performeuses sans leur consentement. Je le rappellerai encore à 20h parce que ça arrive encore régulièrement malgré tout ce qu'on dit. En termes aussi, comme tu dis, pas d'humour oppressif, pas de réappropriation culturelle. Enfin, mettre en place ce cadre. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rebondir aussi? Donc sur un drag qui se veut, en fait, si je comprends bien, un drag entre guillemets de divertissement, un drag fun, un drag léger, un drag festif. Voilà, c'est ça que ça existe aussi. Quelle est votre position par rapport à ce drag-là? Ou est-ce qu'on se dit que qu'on le veuille ou non, on est politique et c'est tout. Bah, c'est la question que je me pose dans le sens où, en fait, il y a plein de manières, mais la fête, la légèreté, le divertissement, pour moi, il est politique. Enfin, surtout dans des cadres où on fait la fête pour être ensemble, s'organiser ensemble, Alors bon, il y a une fête qui est une fête capitaliste et consumérisme. Hein, et c'est pas en tout cas vers là que j'ai envie de me diriger. Mais la fête en soi, le divertissement, c'est super important. La légèreté, la poésie, c'est politique. Et moi, j'ai l'impression que l'endroit où on se dit pas politique, mais je vais peut-être j'y vais avec des pincettes, mais c'est quand on est peut-être dans une, quand on prend une place. Je pense que c'est important de réfléchir à notre place, parce que le choix de ne pas être politique, quand on parle avec, par exemple, des artistes drag racisés, elles n'ont pas le choix de ne pas être politique. Et du coup, je pense que c'est important de voir qu'est-ce qu'on raconte, parce que, par exemple, le rire, on dit souvent le rire, ce n'est pas politique, mais si, parce que ça charrie plein de choses, ça charrie du rire sexiste, transphobe, homophobe, toutes ces choses-là, donc inventons d'autres façons de rire. Et souvent, moi, quand j'entends « c'est pas politique », c'est qu'on va... c'est oppressif, on va dire. Voilà. Mais par contre, pour moi, la légèreté et le divertissement est fondamentalement politique. Et c'est important, je pense, qu'on réapprenne aussi à comment faire la fête et se divertir dans nos milieux. Parce que si la fête a été dans nos milieux aussi très important, dans une époque peut-être de résistance face au sida et tout ça, elle est devenue aussi... très, très fort capitaliste autour de substances. Et donc, les shows sont aussi un endroit où on peut faire la fête différemment, ensemble. Hein ? Goldie dit d'accord. Voilà. Très bien, on a l'assentiment du chien, on peut continuer. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. En fait, je trouve que dans les programmations, en règle générale, on voit quand même une majorité de queens. Et par exemple, quand on fait des auberges plutôt pour apprendre... par exemple, des ateliers d'initiation au maquillage, en fait, on voit énormément de kings et de personnes sexisées. Et donc, en fait, je trouve qu'il y a vraiment un décalage entre les personnes qui apprennent comme ça, qui débutent tout doucement et qui n'ont pas encore très confiance, et une majorité de queens qui sont programmées. Et du coup, en tant qu'organisatrice de show, comment est-ce que vous faites pour avoir une programmation qui attire quand même un public large et tout ça, et en même temps de pouvoir aussi programmer des artistes qui ont moins de visibilité. Merci. Terata, on a parlé un peu avec cette question, et qui est une question très très légitime, t'as envie d'avoir des drags qui vont attirer du public parce qu'en fait il faut remplir la salle, mais en même temps on a envie de prendre à bras le corps cette responsabilité en tant qu'organisatrice de show, d'avoir une diversité, de représenter la diversité sur scène, etc. Est-ce que Emile ou Chroma ou Terata, vous avez envie de répondre à cette question ? Comment on fait un line-up équilibré entre tout ça ? Comment on fait un line-up équilibré ? En fait, clairement, je pense que, comme tu disais, c'est aussi pour toutes les personnes qui organisent de rester tout le temps actifs, proactifs sur ces questions quand elles imaginent leur show. Et en fait, je pense que c'est un travail énorme d'aller faire de la recherche pour des personnes qui sont peut-être moins visibles. Mais en fait, c'est un choix. C'est un choix que les personnes qui ont à un moment donné... cette décision-là à prendre, de se dire je pourrais avoir 5 queens, je pourrais en trouver plein, pas de problème, ok, par contre mon carnet d'adresses pour des drags queer ou des drags racisés ou des drags afab, enfin des drag kings, donc à elle d'aller, j'ai l'impression, remplir un peu leur case manquante un peu plus vite, enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut rester juste proactif. Et quant à la question de comment ça se fait qu'on soit encore dans un déséquilibre, moi j'ai envie peut-être aussi de relier ça à un truc plus de l'ordre général et social. En fait, je pense que on est juste face à un truc qui a lieu partout, c'est que des personnes des personnes qui ont été éduquées avec un truc de prendre la place et d'être capable de se mettre en avant, et d'autres personnes qui au contraire ont été éduquées dans l'inverse, de prendre le moins de place possible, d'être... Donc je pense qu'il y a aussi un truc où c'est très difficile, hein, mais aussi quand on est artiste, performeuse, et que peut-être à un moment donné on a l'occasion de prendre conscience qu'on a été sociabilisé dans un retrait, ou au contraire dans un truc de prendre de la place, peut-être. Alors voilà, soit essayer de laisser la place, ou alors au contraire essayer de se faire, encore une fois je sais que c'est difficile, ça peut être difficile de se faire un peu violence pour se dire ok, va parler à cette personne, dis-lui en fait que t'as envie d'être programmé, enfin je sais pas, j'en sais rien. Mais je pense que voilà, c'est un truc que tout le monde, et les artistes et les programmateuristes, doivent garder en tête. À chaque moment, quand on a envie de construire un line-up ou quand on a envie de performer, je sais pas, hein, mais en fait, on est tous assignés à des places dans cette société et dans nos codes sociaux. Et en fait, comment on fait pour tous les jours essayer de détruire un peu toutes ces places dans lesquelles on a été gratté un peu, changé quoi. Je rebondis un peu. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Et en fait, on peut le lier aussi, et je pense que dans la préparation de l'émission, tu l'avais mentionné aussi, des formes de... dans une lutte politique comme la lutte queer, en fait, il y a aussi des... Oui, tout le monde n'a pas la même position, il y a des gens qui ont plus ou moins de privilèges à certains endroits, à certains moments, et c'est un job, en fait, c'est un travail militant, intellectuel, permanent, de se poser ces questions-là et de se dire à quel moment est-ce que nos positions respectives peuvent justement invisibiliser d'autres personnes, et en fait, ça vaut pour une organisation d'événements, ça vaut pour le drag, ça vaut pour plein d'endroits où c'est souvent les personnes les plus privilégiées qui ont le plus de moyens de se faire entendre, de se faire connaître, et ainsi de suite. Ouais. Et juste pour préciser, moi je dirais pas se faire violence, mais se faire confiance en fait. Je pense que c'est important de faire ça. Et moi je viens du cinéma à la base. Et dans le cinéma, on a eu beaucoup ça. En tant que personne affable, on voyait aussi toutes les personnes affables qui mettaient 1000 ans avant de faire un dépôt de scénario pour être vraiment sûre. Et voilà, alors que des personnes amables allaient déposer. Enfin, c'était comme ça. Et du coup, mais je pense qu'il faut. Dans le cinéma, il y a eu ce truc où il y a eu cette organisation aussi. Je sais qu'elles font des films, qui est une organisation de personnes affables et non binaires dans le cinéma. Et en fait, ça devient une force de ouf, et c'est trop bien en fait de faire des ateliers et de grandir comme ça. C'est la bonne, je trouve. Enfin, c'est pas la bonne ou la mauvaise façon, mais je trouve que c'est bien aussi de prendre ce temps-là. Et puis on continue à apprendre, hein, tout ça. Oui, d'aller puiser de la force dans le collectif et de construire une structure qui nous permet d'exister et de se gagner une légitimité qu'on se donne pas forcément autrement. Super. Dernière chose à dire, Terata, on passe à la prochaine question. Oui, alors je fais vite. Alors pour remettre un peu en contexte, Lucifer Sky parle souvent des auberges macrales. Et en fait, c'est vrai qu'on a remarqué, petite promo, et en fait, c'est vrai qu'on a beaucoup remarqué que les personnes qui faisaient du drag queen allaient prendre énormément d'espace et prendre ce moment-là qui est aussi fait pour ça, pour vraiment extérioriser quelque chose de très « Maman, je suis magnifique, machin, nana, slay, bla bla bla bla bla bla ». Et c'est vrai qu'on va avoir des drag kings ou des drag queers qui sont souvent amables, sans forcément faire du stéréotype. Affable, pardon. Oui. Merci. Mais parfois, on se perd dans le. Oui, désolé. Dans les termes. Je suis vieille. Des personnes. Donc assignées femmes à la naissance. À la naissance, oui. Qui va avoir un rapport aussi, je trouve, plus. Pour se soigner, un truc un peu plus. Une démarche qui va être peut-être. Il y a une envie peut-être un peu moins de se professionnaliser et plus d'être de soigner des blessures, de tester le drag king ou le drag queer pour cicatriser des choses. Et en fait, avec le temps, je vois que beaucoup de drag king ou drag queer, elles voient dyslexie. Enfin bref, ces personnes voient qu'ils ont du talent et en fait. Après, à certains moments, ce professionnalisme, alors que c'est vrai que des drag queens qui sont souvent faits par des personnes amables vont avoir cette... Non, mais vas-y. Désolé, je dis des fois des bêtises. Ne te laisse pas perturber par tes enfants qui papotent dans le fond. Chut. Écoutez, maman. Et, et en fait, on a cette envie de se professionnaliser. Et aussi, je pense, c'est cette idée de représentation. Parce que je pense que dans Drag Race, on a énormément de représentations de drag queens très flamboyantes qui sont ancrées professionnellement. Et je pense que petit à petit, je vois des figures de drag king ou de drag queer qui commencent à s'ancrer professionnellement. Et je pense que ça joue dans l'imaginaire collectif. Ouais. À fond. La représentation, c'est très important. Merci. Alors, il y avait une question là-bas dans le fond. Oui, si vous voulez bien venir devant pour la poser. Alors, moi, je n'ai pas une question, j'ai une petite remarque. Alors, d'habitude, je déteste les gens qui font ça, qui prennent le micro sans poser de questions, donc je vais essayer d'être rapide. Je voulais rebondir sur la phrase qui a été dite que Drag Race était un show pour hétéros. Alors, je sais que c'était dit sur l'humour, mais je pense que c'est important de... Alors, mon cas personnel n'est pas du tout un cas générique. Même pour moi, Drag Race a été le moyen, en tant que personne bisexuelle, d'intégrer le milieu queer, parce que ça reste un show très grand public, mais c'était aussi plus facile. Du coup, voilà, je connais les drag shows maintenant, je peux aller au cabaret, je peux aller peut-être à l'agenda, etc. Et donc, je pense que c'est aussi important pour certaines personnes de se familiariser avec un milieu qui, comme tu l'as dit, n'est pas toujours, est parfois pas toujours rassurant au premier abord. La deuxième chose, c'est que du coup, quand j'ai commencé à regarder Drag Race, j'en ai parlé à mes amis justement hétéros, etc. Et en fait, aucune d'elles n'a vraiment voulu regarder Drag Race. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre elles ou d'entre eux, c'était un peu dérangeant, c'était un peu out of the box. Et donc, il y avait pour beaucoup de ces personnes hétéros, en fait, Drag Race reste quelque chose de très niche. Et donc, c'est vrai qu'ici, quand on parle de drag queer, drag king, drag... plein de choses, monstres, en fait, c'est la niche du niche. Et du coup, on oublie qu'en fait, Drag Race reste pour beaucoup de gens quelque chose de pas du tout mainstream. Et donc, il y a plein de choses à dire sur le format Drag Race, etc. Mais je pense que ça, pour moi, en tout cas, plus de positif que négatif, et ça crée un débat et ça peut permettre d'améliorer ce show. Merci beaucoup. Merci. Mais c'est important. Et c'est vrai que parfois... à force d'être le nez dans le guidon et d'en parler, on oublie un peu de voir que, en fait, on est effectivement la niche d'une niche et que déjà la plupart des gens, pour eux, le drag c'est le cabaret Mademoiselle et c'est tout, ou c'est Drag Race et c'est tout. Et en fait, il y a une galaxie qui existe, en souterrain comme ça. Et nous, on est un peu la galaxie de la galaxie. Et donc, on merci beaucoup de venir remettre un peu l'église au milieu du village à ce niveau-là. Il y a une question là-bas dans le fond. Merci. Ça a déjà été un peu abordé, il y avait la question un peu finalement du classisme par rapport au drag et un peu finalement une sorte d'entre-soi qui peut être très bien et c'est très important de faire du drag pour la communauté. Ma question un peu aux différentes personnes du panel, c'est finalement quels sont vos outils, vos projets, les choses que vous faites pour sortir un peu le drag de ce milieu et un peu l'emmener à des personnes qui n'iraient pas nécessairement vers ça à la base. Donc il y a Drag Race, nous, on n'est pas organisatrice de Drag Race, mais donc que faites-vous dans vos communautés, votre projet universitaire aussi, qu'est-ce qui est fait un peu pour permettre de démocratiser cette pratique? Merci beaucoup. Et d'aller au-devant de nouveaux publics. Chroma, tu veux peut-être prendre la parole là-dessus ? Tu as peut-être fait quelque chose d'hier, hier qui est très en lien avec ça, non ? Ou pas ? Je veux pas forcer. Hein, mais... Non, je pense que c'est une question... C'est toujours délicat entre comment amener le drag ou comment à quel public pour ne pas s'imposer dans un... Dans un lieu, dans un milieu qui nous attend pas. Enfin, c'est cette question du classisme. Bah, hier, on a fait des shows dans des wasserettes, par exemple. On fait des shows itinérants dans des laveries automatiques. Et ça nous a posé plein de questions aussi. Comment est-ce qu'on amène ça ? Parce que du coup, on avait à la fois un public des wasserettes qui était là, et les wasserettes restent un public précarisé, généralement, parce que si on n'a pas une machine à laver à la maison, c'est ce, voilà. Et un public queer qui venait aussi, mais qui est aussi un public précarisé sur... Du coup, c'est un peu plein de choses différentes. Et comment amener ces deux publics ensemble à se rencontrer ? Je pense que c'est un long travail, encore, de toujours se poser la question de à qui on s'adresse, comment, et qu'il faut plusieurs maillons. C'est pour ça que ce n'était pas forcément une critique quand je disais pour un show pour hétéros. C'est-à-dire que des fois, nous, en tant que personne queer, on peut trouver ça pas assez militant, mais ça va être assez militant et déjà beaucoup pour des hétéros. Du coup, c'est pour ça que je le mettais comme ça. Nous, je sais qu'avec Rêve Colère en général, parce que autant Playback qui va dans des bars, et qui ne sont pas LGBT, qui font tout un travail vraiment de pédagogie. Nous, avec Crash Test, on essaye d'amener les shows dans, ou dans des musées ou dans des espaces publics. C'est aller chercher le public, mais il faut qu'on s'outille, je pense, ensemble. Je pense qu'il faut qu'on s'outille, qu'on prenne vraiment le temps. Et voilà. Et puis, si je me permets de rebondir, que parfois, du coup, à aller chercher un public qui n'a pas envie, de, par exemple, de drague, eh ben, on se met aussi en danger. Et on parle beaucoup de ce besoin de démocratisation qui est très chouette et qui est très important. Mais pour l'avoir aussi vécu personnellement, en fait, parfois, du coup, on tombe face à des personnes qui sont là, mais en fait, là, chez nous, on ne veut pas entendre parler de ça et on veut pas vous voir, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait quand on arrive face à ce genre de réaction ? Je vais juste mettre un truc, c'est que je veux faire attention. Je trouve que l'intolérance n'a pas grand-chose à voir avec la précarité ou pas. C'est-à-dire réfléchis bien. Enfin, je veux dire, des gens très riches de droite peuvent être super intolérants et c'est les personnes qui détruisent le plus de choses. Et du coup, c'est important aussi. Et c'est pas. Et après, il y a toute la question de la richesse culturelle et du bagage culturel, mais qui est encore autre chose. Voilà. Mais j'ai l'impression aussi peut-être que essayer de comprendre où est-ce qu'on bloque pour se rencontrer et essayer de venir faire des ponts aux endroits où on peut faire des ponts. Enfin, désolé, c'est un peu vague ce que je veux dire. Mais par exemple, et je pense que c'est un travail de longue haleine aussi, en fait, de venir chercher. Enfin, comment dire ? C'était quoi la question déjà ? Ah, comment on démocratise le drag ? Bon, alors, démocratiser le drag. Bon, ah oui, alors c'est vrai qu'on parle effectivement aussi de. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect, nous, de l'intérieur, dans notre microcosme, dans notre galaxie de galaxies. Et c'est vrai que c'est super chouette de pouvoir prendre de la hauteur des fois, parce que c'est vrai que nous, on va tiquer sur certaines choses qui, en fait, il y a d'autres enjeux pour le public, en fait, quand vous ne travaillez pas dedans et tout. Et c'est très important. Bah, pour en revenir à démocratiser le drag, donc du coup, là, pour moi, quand on est dans l'enjeu des artistes, des organisateuristes, est-ce qu'on a vraiment envie de démocratiser le drag ? Parce que pour moi, c'est une pratique qui reste quand même une pratique de la marge, c'est une contre-culture. Et en fait, est-ce que, mais ça aussi, c'est une question ouverte, hein, je réponds à rien, je pose juste d'autres questions. Mais est-ce qu'à un moment donné, si le drag devient trop démocratisé, trop institutionnel, est-ce que ce sera encore du drag, en fait ? Parce que c'est aussi très intéressant de voir que c'est une pratique qui, alors même si elle n'est pas obligatoirement, elle n'est pas obligée d'être politique tout le temps, enfin politisée tout le temps, on le disait, c'est quand même un truc qui vient aussi à un moment donné d'endroits complètement marginaux, de contre-culture, comme je disais, et donc pour moi c'est l'essence même de cette pratique. Donc est-ce que démocratiser le drag ne fera pas disparaître le drag ? Je ne sais pas. Par contre, oui, c'est vrai que on peut, par contre, essayer de venir rencontrer des gens avec cette pratique, des gens qui pourraient avoir une réaction soit violente ou juste intolérante. Et par expérience, en fait, les gens, ils ont juste envie de parler. Et c'est ça, je pense que ça prend du temps. Il faut avoir envie de parler avec des gens, il faut avoir envie d'avoir des discussions où on va entendre des choses atroces. Mais où potentiellement on va aussi rencontrer quelqu'un qui a envie qu'on lui explique des choses, qui a envie de comprendre ce qu'elle ne comprend pas. Et c'est, voilà, nous avec Playback, effectivement, on va au devant d'endroits où en fait c'est des bars qui sont pas queer, donc des bars pas LGBT, et on va faire des shows drag dans ces bars, et on revient dans ces bars. En fait, on a des bars partenaires. Et à force de revenir, enfin, on a eu des rencontres extra, quoi. Enfin, des gens qui avaient jamais vu de drag, qui tout d'un coup entendent, comme tu disais, oui, des termes qu'elles avaient jamais entendus, sont confrontées à des réalités dont elles n'ont même pas pensé, imaginé que ça pouvait exister. Mais ça prend, voilà, du temps, c'est personne par personne, c'est jour par jour, enfin je sais pas, il y a un truc. En tout cas, essayer de faire des ponts, ça prend du temps et ça demande à, voilà, d'être outillé aussi et d'avoir envie de discuter, de prendre du temps avec chaque personne, et chaque personne compte, et voilà quoi, c'est un travail de longue haleine, je pense. Moi, je rebondis vite sur le côté King que je connais un peu mieux, qui pour moi a fait ce travail de démocratisation. Enfin, dans la scène bruxelloise que moi j'ai connue, je trouvais que c'était très présent, parce que c'est pas connu, en fait. Et j'ai vu des performeurs King qui apparaissaient sur scène, qui faisaient un truc super, et des gens dans le public qui comprenaient pas ce qu'ils étaient en train de voir. Donc, je me disais, qu'est-ce que c'est? C'est pas une drag queen, mais du coup, c'est quoi? Vraiment une incompréhension parce que, voilà, on n'a pas tous les codes. Donc, il y a ce travail de pédagogie, de dire aux gens qui on est, ce qu'on fait. Les ateliers que j'ai vus, donc, qui étaient destinés à des personnes débutantes, il y avait aussi cette volonté d'être accessible financièrement, déjà, des lieux accessibles. Ça, j'ai trouvé que c'était quand même à saluer. J'ai notamment beaucoup aimé le travail de Tel Quel, qui est une asso LGBT qui, fait vraiment un gros effort pour rester ancré dans les milieux populaires, où il y avait des shows drag qui n'étaient peut-être pas d'un niveau de drag exceptionnel, mais qui étaient une voie d'accès, un marchepied pour tellement de gens très divers. Moi, j'ai fait mon premier show drag king avec Tel Quel, donc j'en garde évidemment un petit souvenir ému. Mais voilà, je trouvais c'est un effort que j'ai trouvé assez présent. Alors, ça doit être tout le temps remis sur le métier, mais j'ai trouvé que c'était assez présent dans ce milieu-là. Je trouvais que c'était à saluer. Et alors, à mon niveau, comme universitaire, je suis du côté des gens plutôt privilégiés dans l'accès à la connaissance et au savoir. Donc, je trouve aussi que c'est important de rencontrer les gens, d'avoir, moi, fait aussi cette démarche d'aller sur le terrain. Alors, je suis fière aussi d'avoir... J'ai été invitée à intervenir comme universitaire dans un musée, mais j'ai réussi à faire en sorte qu'il y ait un show drag king dans la foulée de mon intervention dans un gros musée français, une grosse institution. Donc, je suis quand même contente de pouvoir faire venir ça. C'est le cas aussi dans l'institution où je suis maintenant, où j'ai insisté pour que si on invite des drag queens, on invite aussi des drag kings et qu'on montre cet aspect-là. Alors, c'est pas une accessibilité en termes tellement de classe. Enfin, on reste quand même dans des gens assez privilégiés, mais j'essaye de faire mon petit job de visibilisation. Oui, et n'oublions pas que par exemple dans les théâtres, l'accès à des nouveaux publics, c'est un métier à part, ça s'appelle la médiation culturelle. Il y a des gens qui ont des salaires à plein temps juste pour ça. Et nous, de manière la plupart du temps bénévole, on travaille aussi à notre hauteur avec nos outils, avec nos moyens et avec les réalités qu'on connaît. Rebondir à la fois sur les deux choses que tu as dit, effectivement il y a un truc compliqué, je sais pas, par exemple en cinéma il y a des personnes qui font les films, les écrivent, d'autres qui vont faire l'image, d'autres qui vont le diffuser, d'autres qui vont le programmer en salle, d'autres qui vont faire les affiches. En drag on fait un peu tout, et du coup je pense qu'il faudrait qu'on se pluralise là-dedans, qu'il y ait des personnes qui adorent faire de la médiation, qui viennent faire ça, qui ne soient pas forcément drag, tout ça, parce qu'en fait, ou sinon, on ne sait pas trop... on n'arrive pas à tout bien faire. Du coup, je pense que c'est bien qu'on s'organise pas que entre artistes là-dedans. Et pour moi, le drag, c'est aussi un cheval de Troie. Là, par exemple, on co-organise la Pride à Anderlecht. C'est génial, parce qu'on arrive en parlant « Bonjour, il y a le drag !» Voilà, ça, au moins les gens, c'est un truc artistique, ils voient ce que c'est. Et après, derrière, on peut faire plein de choses. Là, on va se retrouver à former des agents de quartier, c'est génial, quoi. Enfin, de comment est-ce qu'on infuse avec ça? Et c'est juste la phase immergée de l'iceberg, quoi. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière petite question avant de se quitter? Alors, je vais terminer moi avec une question un peu tarte à la crème, mais parfois ça fait du bien les tartes à la crème. Petit tour de table, vous voyez où le drag dans 10 ans? Où je vois le drag dans 10 ans, je pense que... Alors, il y a deux possibilités. Soit le drag sera éteint, comme les dinosaures, comme les fossiles. Mais oui, c'est une possibilité, parce qu'il y a plein d'enjeux actuellement, politiques, on voit des guerres un peu partout, on voit les ressources économiques sans faire trop peur aux gens, mais voilà, c'est une réalité aussi. Et dans une autre réalité que j'espère sera plus favorable, je pense que le drag sera très démocratisé, qu'on en retrouvera un peu partout, et pour moi, j'ai l'impression que le drag ne sera peut-être plus un truc de niche, mais je pense que le drag a sa place dans des institutions plus médicales où les gens... Je pense que le drag a vraiment un bienfait pour se comprendre, reconnaître ses traumas, évoluer, guérir et tout ça. Et j'ai l'impression que le drag, ou en tout cas ma vision du drag, va plus aller vers des choses médicales et vers des instituts. Donc comme des, ça. Des choses un peu proches de l'art-thérapie, ce genre de pratique-là? J'ai l'impression que ça va aller tout doucement vers ça. Ok, super. Merci beaucoup. Merci. Oui, chouette. Rêve colère. Ça va où le drag dans 10 ans? Il est où le drag dans 10 ans? Je peux pas m'empêcher de penser à ce que je disais tantôt par rapport à la... Voilà, en fait, je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a plein de chemins possibles et dans ceux que moi, j'ai imaginés. Il y a effectivement cette question-là, quoi, de se dire est-ce que ça va devenir une pratique artistique posée, c'est-à-dire que est-ce qu'il y aura des écoles de drague, des cours, des masterclass, je me demande, est-ce que ça va devenir comme la danse, par exemple, et qu'on retrouvera un cursus drague dans les écoles d'art, je sais pas. Et qu'est-ce que ça ferait en fait à cette pratique? Que ça soit ça aussi, parce que moi je me pose vraiment la question, quand on voit en fait ce que représente le drag, comme tu dis, en termes de thérapie, en termes aussi de ce que ça permet de soulever comme question sociale, quoi, du genre, de déplacer les codes et tout. Donc voilà, est-ce que ce sera dénué de tout ce sens-là social et militant et que ce sera juste une pratique qu'on pourra apprendre à l'école n'importe où. J'en sais rien, hein. Bon, j'imagine pas forcément que ça ira vers là, mais imaginons, 10 ans c'est quand même un peu court peut-être pour ça. Et sinon, oui, en fait, je suis assez d'accord. Je pense que peut-être cet essor, cette envolée complètement folle qu'on voit là ces dernières années avec des shows, des nouveaux shows qui apparaissent presque toutes les semaines, tous les mois. On a des nouvelles organisatrices, plein de nouvelles performeuses aussi qui se... Voilà, est-ce qu'on aura réussi à faire en sorte que les gens qui veulent en faire leur métier le fassent dans des conditions favorables, chouettes? Est-ce qu'il y aura plus d'une dizaine d'artistes qui arriveront à en vivre bien? C'est ce que je souhaite peut-être, c'est que voilà, on ait pu surfer cette vague pour amener cette pratique dans des endroits plus, comment on dit quand on respecte une pratique quand elle est, je ne sais pas comment dire, valorisée, voilà. Ça peut marcher, voilà. Je ne sais pas ce que c'était le début de ma phrase, mais ça, c'était mon dernier. Ouais, c'est une légitimité, une respectabilité. Super. Respectabilité, quand même pas. Hein. Ça reste un endroit de trouble, justement. Un endroit qui dérange, un endroit qui gratte. Espérons que d'ici là on ait tous le revenu universel et du coup ces questions là seront plus posées, ça sera super, mais voilà, que ça reste à la fois, que ça puisse se professionnaliser pour qu'on puisse en vivre et que ça puisse être un art et qu'il est reconnu comme ça, parce que c'est un travail en fait, mais aussi que ça puisse rester en amateur, que ça puisse rester une pratique, un outil militante. Et ce qui est génial dans le drag, c'est pour ça qu'il y a peut-être autant de drag shows, de babies qui naissent, c'est que il y a un chose de communicatif entre la scène, la salle. Il n'y a pas ce quatrième mur où c'est trop chouette, on peut venir s'essayer à être drag pendant un ou deux jours, c'est quelque chose. Il y en a qui vont faire ça de leur métier. Mais je pense que cette pluralité, moi, j'espère que la pluralité va rester et que le drag va devenir aussi de plus en plus diversifié. Et surtout, j'espère que ça ne va pas être un combat intestinal de chapelle, mais juste qu'on va être trop... On va s'organiser un espèce de mycélium. Voilà, moi je vais pour un mycélium. Ça me parle, les mycéliums. Merci beaucoup. Aurélie. Oui, alors moi je me dis que les évolutions vraiment majeures qu'on voit là depuis très peu de temps, mais qui sont rapides, c'est sur la démultiplication, hein, on l'a dit, sur la formation aussi. Ça, c'est comme un glissement qui est vraiment très fort, quoi. Il y a vraiment des écoles maintenant, des cours de drag, alors qu'avant, c'était un peu plus difficile à trouver. Il fallait justement signifier. Alors, il y avait le côté famille aussi, créer des familles drag, qui existent toujours, hein, mais maintenant, c'est un peu plus institutionnalisé aussi. On peut aller apprendre à faire du drag sans forcément avoir cette filiation et ce lien-là. Donc, c'est des évolutions. Il y a le côté mainstream qui arrive aussi. Et je me dis que si on poursuit là-dedans, ce qu'on constate aussi, c'est ce que j'appellerais une queerification. Donc, on est moins dans des codes binaires. On a justement ouvert ça et montré que dans ce message politique qu'a le drag, dans ce qu'il dit des identités, dans ce qu'il dit du genre, on est justement plus en train de décomposer des choses et de les réagencer plus librement. J'imagine que ça va se poursuivre. C'est un travail qui est continu, hein, cette resignification du genre en permanence. Donc, ça, je suis curieuse de voir ce que ça va continuer à donner, ça m'intéresse. Mais je me dis aussi que, justement, avec cette appropriation-là, peut-être que le drag sera de moins en moins quelque chose d'exceptionnel et lié à la performance, et sera peut-être de plus en plus un truc du quotidien, que les gens vivent à terme d'intimité du quotidien. Mais voilà, c'est juste une hypothèse comme ça. Mais peut-être qu'on gardera, parce que je crois qu'on a toujours besoin de flamboyance et de paillettes dans nos vies. Et ben, ça me paraît un excellent mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous quatre. Merci évidemment à la Pride Week de nous avoir accueillis aussi bien. Merci au département égalité des chances de la ville de Bruxelles d'avoir financé la première saison de, enfin, en tout cas contribué à financer la première saison de Flux et Merveille. Et merci surtout à vous, cher public, d'être venu parce que organiser une table ronde autour du drag, pour moi en tout cas, c'était un beau défi. Et grâce à vous, il est relevé, enfin, grâce à notre très très beau panel, mais surtout grâce à votre présence, parce que si on avait juste discuter entre nous, ça aurait été beaucoup moins chouette. Donc merci à vous d'être venus, et pour les personnes qui le voudraient, eh bien restez, parce que dans une heure il y a un show queer où il n'y aura pas de drag à part moi, et ce sera juste là, parce que oui, ça on n'a pas ouvert aux autres arts du cabaret queer, c'est encore toute une autre discussion. Et d'ailleurs, ce sera le sujet de la saison 2 de Freaks et Merveilles, parce que oui, il va y avoir une saison 2 à Freaks et Merveilles. Merci. Qui parlera des autres arts du cabaret queer et plus du drag. Donc voilà, et ce sera diffusé sur Radio Panique, une très belle radio alternative bruxelloise, mais ce sera aussi toujours disponible en streaming après avoir été diffusé sur Radio Panique. Voilà, vous avez la première petite exclue, ce sera répété tout à l'heure, mais merci à vous d'être venus, et à très vite, et surtout, allez voir les Freaks et les Merveilles sur scène. Et merci à toi aussi. Merci à toi. Merci et bravo, Croc. Vous venez d'écouter le premier épisode bonus de la première saison de Freaks et Merveilles, et je vous en remercie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller découvrir le reste de la saison. Il y a 20 épisodes en tout où j'interview des dragues, mais aussi des organisatrices de shows, dont Chroma, des photographes, des bénévoles, etc., etc. Si ça vous intéresse de venir participer, c'est pas faute de le répéter. On enregistre le 17 mai à Agenda, un épisode avec Propaganda, et le 9 juin un épisode avec des collectifs drag à la Pride d'Anderlecht. Toutes les informations sont à retrouver sur mon Instagram, maintenant ou bientôt. Freaks et Merveilles est un podcast créé, produit, dirigé, monté par Croc. Les visuels sont de Maël Christin et les audios de King Baxter. Il est produit avec le soutien de la ville de Bruxelles et propulsé par Murmure ASBL. Merci à elle.